Salut, c'est Mike Lécuyer pour l'émission Blues Covers. Salut toutes tous, nous continuons l'exploration du pop-rock dans le blues avec toujours et encore le groupe Skiffle Rendez-vous. Si vous écoutez mon émission, vous commencez à connaître ce groupe qui a fait plein de belles reprises. Cette fois-ci, il s'attaque à Jimi Hendrix. En 1971 sort l'album The Cry of Love. C'est un album qui est paru quelques mois après la mort de Jimi Hendrix. Donc on peut dire que c'est encore intéressant. Ce n'est pas comme après, pendant des décennies, on a été gavé de chutes, de chutes, de chutes de studio. Là, ce sont de bons et vrais morceaux de guitare et de chant du maître Jimi Hendrix. La chanson s'appelle « My Friend ». Et c'est Skiffle Rendez-vous. Stomach squealed just a little more. A stagecoach full of feathers and footprints pulls up to a soapbox door. Now a lady with a pulling necktie tied to a driver's fence, freezing my face, bourbon and coke possess words. And quote, haven't I seen you somewhere in hell? Or was it just an accident? You know how I feel right then and so. Before I could ask, was it east or west side? My feet, they howled in pain. The wheels of a bandwagon cut very deep, but not as deep as my mind in the rain. As they pulled away, I could see her words stagger and fall on my muddy tin. Well, I picked them up, brush them up, see what they say. And you wouldn't believe, she said, come round to my room with a tooth in the middle and bring along a bottle and a president. But hey, sometimes it's not so easy, baby, especially when you're only friends. Sees less and feels like you, and you do just the same as him. Gets very lonely up here, baby. Yeah. Come on, say. Well, I'm riding through LA on a bicycle built for fools. One of my old buddies, and he said, you don't look the way you usually do. I said, well, some people look like a coin box. He said, you look like you ain't got no coins to spare. And I lay back and I thought to myself, and I said this. I just picked up my pipe from underneath the payphone and combed his breath out of my hair. Sometimes it ain't so easy, especially when you're only friend. He talks, sees, looks and feels like you, and you do just the same as him. I just got out of a Scandinavian jail, and I'm on my way straight back home to you. But I feel so dizzy, I take a quick look in the mirror to make sure my friend's here with me too. And you know good well I don't drink coffee, so you fill my cup full of sand. And the frozen tears on the bottom, sharing lipsticks around the broken edge. I hope that you left your dog lay by the fire, and your cat you took me from his bed by the edge. And I thought you were my friend too. Man, my shadow comes in line before you. I'm finding it's not so easy, especially when you're only friend. Yeah, it talks, looks, sees, and feels like you. And you do just avec une ambiance fort sympathique de bar-concert que l'on a un petit peu oublié ces derniers mois. Un deuxième titre de Skiffle Rendez-vous, une reprise de Janis Joplin. Et au chant, ce n'est plus Stéphane, c'est Elisabeth Wiener. Oui, oui, vous avez bien entendu, Elisabeth Wiener, une actrice chanteuse française qui a fait pas mal de choses. Oh là là ! Me and Bobby McGee de Janis Joplin par Skiffle Rendez-vous avec Elisabeth Wiener au chant et à l'accordéon. And bastards fled in barrels, waiting for the train, feeling nearly faded as my gin. And Bobby thumbed the diesel down just before it rained, it took us all the way to New Orleans. I pulled my up and out of my dirty red bandana, as blanks of white bobbies and blues, yeah. The windshield weepers slapping time is Bobby's a handyman, sang of every song that driver knew. Oh, freedom, just another word for nothing left to lose. Nothing, nothing, even in it free, yeah. Oh, feeling good was easy, low, when he sang the blues. Oh, feeling good was good enough for me. Oh, good enough for me and my Bobby McGee. California sun, the Bobby shares the secret of my soul. Through all kind of weather, through everything I've done, your Bobby coming from the cold. One day now, Nazalina, Lord, I let him sleep away, looking for the home I hope he'll find. Burning as tomorrow. Oh, feeling just oublié de préciser que c'est sur l'album Pearl de Janis Joplin. Et bien sûr, ce n'est pas elle qui a composé le morceau, mais Fred Foster et Chris Christopherson. Rendons à César ce qui appartient à Fred et Chris. Et on reste avec une autre grande dame, non pas de la chanson française, mais du blues, du rock et de la soul, Gaël Buswell. Ce n'est pas extrait d'un album, mais de séances qu'elle a effectuées à Abbey Road, célèbre studio anglais où les Beatles ont enregistré. Et justement, elle fait un petit clin d'œil aux Beatles en proposant en vidéo sur YouTube et autres chaînes une reprise de Help des Beatles. Gaël Buswell. When I was younger, so much younger than today, never needed anybody's help in any way. Days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and opened up the door. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you. Please, please help me. reste dans une ambiance intimiste et poignante avec Mr. Matt et ses Lockdown Sessions en 2020, avec la reprise d'un morceau, l'un des plus connus, je pense, dans le monde, Stand By Me, de Ben E. King. Si vous n'avez pas vu les nombreuses vidéos faites à travers le monde, avec plein de musiciens qui jouent une petite partie de ce morceau, il faut chercher ça sur YouTube. Je ne me rappelle plus quelle association a fait ça. C'est absolument génial. Mais aujourd'hui, dans les Blues Covers, vous avez droit à Mr. Matt, Stand By Me. When a night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Oh, darling, darling, stay by me. Oh, stand by me. Oh, girl, stand by me. Stand by me, baby. The sky will look upon, she'll topple and fall, how the mountains she'll crumble to the sea. I won't cry, no, I won't shed no tear, just as long as you stay. Stand by me. And darling, darling, stay by me. Oh, stand by me. Oh, girl, stand by me, baby. Oh, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, baby. On va terminer l'émission avec le groupe Same Player Shoot Again. Ah, moi qui adore le flipper, je trouve que c'est génial comme nom. On les avait découverts en 2018 avec un hommage à Freddie King, à Or King Freddie. Eh bien là, en 2021, c'est un hommage à Albert King, à Or King Albert, Romain Roussolière à la guitare, Max Darmon à la basse, au clavier Florian Robin, parfois sur scène, à une époque c'était Julien Brunteau aussi, et puis le batteur Steve Bellonte, et puis les cuivres, Jérôme Corneliste et Loïc Gaillot, sans oublier le chanteur, évidemment le puissant Vincent Vella. Il a même fait une petite apparition à The Voice. Bref, c'est du lourd, c'est du beau, c'est du gros. Mais qu'est-ce que je vais vous proposer ? Eh bien, je ne vais pas vous proposer une composition d'Albert King, mais la reprise de Get Out of My Life, une composition d'Alain Toussaint qui a été popularisée par Lee Dorsey. Cette petite voix acidulée venant de la Nouvelle-Orléans, j'adorerais ce chanteur. Voici donc Same Players Shoot Again, Get Out of My Life. Et moi je vous dis bye bye et à la prochaine. Get off my life, woman. You don't love me no more. I say get off my life, woman. Don't love me no more. Get out my life from me. You don't love me no more. Get out my teardrops. I gotta see my way around. Well, get out my drops. I gotta see my way around. Get out my life early. Nothing but a hurt that pound a pound. Get off my little woman. I gotta climb up to the top. Up to the top. Get up, my little woman. That was not gonna make me stop. Thank you. C'était l'émission Blues Covers. Bonsoir.